pour sa chronique de technologie de l'information, Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'information et société. Bonjour, Raymond. Bonjour, Tania. Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Oui, bien, l'été a eu le temps de couler tranquillement, de passer. Et tout de même, un été assez actif, malgré tout, là, au niveau des technologies de l'information. Beaucoup d'éléments qui sont mis en place et consultations également, dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais on sait que ça bouge très, très vite. Donc, j'imagine qu'il s'est passé plein de choses pendant ton absence. Et entre autres, il y a eu une étude britannique sur la cyberdépendance. Oui, je me suis dit, en fait, pourquoi pas ramener ça justement au retour des vacances, parce que j'ai envie de lancer peut-être un peu la question, est-ce qu'on a véritablement pris des vacances pendant nos vacances? Est-ce qu'on a réussi à décrocher du web, à décrocher du BlackBerry, à décrocher du iPhone, du iPad, du courriel, des réseaux sociaux? Donc, à décrocher de tout ce qui peut nous lier à cette vie professionnelle ou à une vie virtuelle également. Alors, pourquoi pas parler un peu de cyberdépendance? Parce que semble-t-il qu'il y a de moins en moins de gens qui arrivent justement à se séparer de ces petits outils-là, ou parallèlement, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont beaucoup de difficultés à s'en séparer. En fait, c'est une étude britannique d'une firme qui s'appelle Enterperience, pardon, donc, qui vient confirmer ce que plusieurs craignaient, donc, que les nouveaux outils de communication seraient en train de créer chez plusieurs humains une dépendance qui serait équivalente ou même supérieure à celle induite par la cigarette et l'alcool. Donc, quand même, rien de moins, là. Mais sérieusement, je me livre un peu, là, à toi et aux auditeurs. Je pense que je fais de l'insomnie en raison de mon téléphone. On dirait que s'il n'est pas à côté de moi, mon iPhone, je panique un peu, puis des fois, je me lève pour aller le chercher, puis là, je vais sur Facebook, puis là, je me couche en paix. Et d'ailleurs, en fait, eux ont fait un questionnaire auprès de 1000 adeptes des technologies de 18 à 65 ans. Leur ont fait faire aussi une expérience. L'expérience, c'était faire 24 heures sans avoir accès à aucun outil de communication de type technologique. Donc, oui, la télévision, la radio, là, mais on met de côté tout le reste. Et semble-t-il que pour certains de ces gens-là, se passer pendant une journée d'iPad, iPhone, portable, Facebook, Twitter et compagnie a été qualifié du plus grand cauchemar, comme l'équivalent de se faire couper les deux mains. Bilan plus global, en fait, 53% des répondants ont dit souffrir intérieurement lorsqu'ils étaient privés d'une connexion au réseau Internet. 40% des sondés ont dit se sentir bien seuls quand ils sont incapables d'accéder au cyberespace. Et donc, il y a 40% des gens également qui envisagent comme un drame le fait de vivre débranché à 100% de la réalité numérique pendant au moins 24 heures. Moi, je suis d'accord avec la solitude. Quand je suis partie en voyage, j'avais laissé mon iPhone et tous mes ordinateurs portables à la maison. Et je pense que c'est ce que j'ai trouvé le plus dur au début, de ne pas être proche de tout le monde à la fois, même si je suis loin. Mais on est tous un peu coupables de ça. J'étais en voyage pas très longtemps et nécessairement, dès qu'on m'a offert l'opportunité à très bas prix ou gratuitement d'avoir accès à un poste d'ordinateur pour aller un peu sur Internet, on en profite, on limite le temps, mais on en profite un peu. On a envie d'être connecté, mais il y a l'envie normale, comme on dit, et il y a l'envie excessive. Et quand on parle de dépendance, on ne parle pas d'une petite envie normale ou d'un petit désir justement de communication. On parle plutôt là, d'un syndrome d'exagération, d'excès qui vise peut-être à estomper une émotion désagréable ou un malaise. Donc, on parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Et c'est le danger aussi parce que y a beaucoup d'exemples qui sont donnés de cas qui disent, mais regardez, il y a de plus en plus de problèmes de cyberdépendance. Mais par contre, il faut aussi doser, il faut réfléchir à ça, il faut catégoriser ça de manière adéquate. Et c'est probablement ce à quoi aussi des chercheurs, que ce soit à l'Université Laval ou ailleurs, qui s'intéressent à ces thématiques-là, mais c'est probablement ce que eux tentent de faire aussi, donc de bien cibler, de bien doser, de bien mesurer l'étendue du problème, et ensuite pour éventuellement pouvoir trouver aussi des solutions à ce problème-là. On sait que ça date pas d'hier non plus. Il y a 2 ans, on faisait grand état d'ailleurs d'un centre de désintoxication à Internet qui s'était ouvert aux États-Unis. C'est un centre privé. L'initiative avait été critiquée à l'époque, disant, ben, est-ce qu'on en est vraiment arrivé à un point où on peut dire, oui, voilà une solution claire, nette et précise? Est-ce que c'est pas plutôt un travail sur soi qu'on doit faire comme dans toute dépendance? Mais ça avait quand même beaucoup fait jaser. Il faut dire aussi qu'outre cette étude britannique-là, il y a eu d'autres études aussi qui ont été faites, qui sont arrivées tout de même à des conclusions similaires qui permettent à tout le moins aujourd'hui de classer hors de tout doute. La cyberdépendance illégale, comme on le disait, de la cigarette ou de l'alcool. Il y avait l'université du Maryland, notamment, qui, auprès de 200 étudiants dans 10 différents pays, leur avait demandé de vivre 24 heures loin d'un réseau numérique. Et il y avait des étudiants qui avaient évoqué l'inconfort physique, l'angoisse, le stress pour avoir participé à ça. Donc, c'est des études comme celle d'Interspience, comme celle de l'Université du Maryland qui viennent simplement asserter, je pense, ce qu'on s'en doutait. Donc, c'est une dépendance sérieuse. Maintenant, il faut quand même prendre tout ça avec mesure. Ah oui, ça c'est certain, mais évidemment ça pousse à se questionner sur la présence d'Internet, de la technologie, mais aussi du Web 2.0. D'ailleurs, il y a une consultation publique sur le Web 2.0 du gouvernement du Québec. Oui, je trouve que c'est une initiative intéressante. Il faut dire, en fait, Tania, on avait parlé avant la pause estivale de justement cette nécessité pour le gouvernement peut-être de s'ouvrir au nouveau médium, de s'ouvrir au Web 2.0 et peut-être une petite revision avant de se lancer sur la consultation elle-même, là, pour ceux qui se disent 2.0, pourquoi on rajoute un 2? Quand on parle de Web 2.0, on parle de ce nouveau web collaboratif avec des sites comme YouTube, comme Facebook, comme Flickr, comme Wikipédia, donc des sites où, plutôt que simplement un consommateur d'informations, le citoyen devient un participant, donc participe à la mise en place d'informations, à l'échange, bref, le web. À la création de contenu. À la création de contenu. Donc ça, c'est le Web 2.0. Et la grande question qu'on se lançait, c'est de savoir comment le gouvernement pouvait justement mieux intégrer ces pratiques collaboratives-là au sein de l'État, au sein de la gestion étatique. Et en route vers décembre prochain, il y a donc le gouvernement du Québec qui a mis en place une grande consultation qui s'appelle la consultation sur le Web 2.0 de Gautrin, Henri-François Gautrin, qui a été mandaté donc par le premier ministre. Lui, il doit faire cette consultation donc d'ici décembre, parce qu'en décembre 2011, il est engagé à présenter un rapport avec des propositions et des idées au gouvernement québécois. Alors, ce qu'ils font de manière générale, c'est que d'un côté, ils examinent les initiatives qui sont déjà en place au gouvernement et dans les organismes paragouvernementaux, donc une grande consultation interne auprès de sous-ministres, de dirigeants des ministères, d'organismes publics, etc., etc. Donc, pour voir qu'est-ce qui est fait à la pièce et qu'est-ce que chaque direction a imaginé justement pour répondre à certains besoins. Et parallèlement, et c'est là où toi, moi et l'ensemble des auditeurs, auditrices de CKRL rentrent peut-être un peu plus en mode participatif, c'est que les citoyens également sont sollicités. Mais contrairement peut-être à d'autres consultations publiques où on remplit un petit sondage en répondant à quelques questions, ils ont décidé, et je trouve ça extrêmement intéressant, ils ont décidé de faire une véritable consultation 2.0 sur ces enjeux-là. Donc, ce qui fait que les citoyens peuvent aller sur le site de la consultation, peuvent proposer une idée, peuvent réagir à d'autres idées, échanger avec les citoyens qui ont fait d'autres propositions, peuvent voter pour les idées qu'ils considèrent comme étant les meilleures idées, bref, échanger en mode collaboratif. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne quand même assez bien. Ça fait quelques semaines que c'est en route. Il y a 200 utilisateurs ou environ qui sont enregistrés. Il y a 52 idées qui ont été émises, 580 votes qui ont été effectués. Et des idées quand même aussi assez intéressantes. Donc, il y a de quoi discuter et les gens qui sont là justement pour discuter intelligemment de tout ça. J'ai sorti quelques-unes des idées juste pour se donner une idée aussi de ce qui est discuté là-bas. Exemple, l'idée la plus populaire pour l'instant, propose d'aller vers une politique de gouvernement ouvert au Québec. Donc, ils demandent, eux, une transparence de l'activité gouvernementale en présentant de façon plus proactive les données publiques disponibles. Ils sollicitent la participation des citoyens aux activités gouvernementales et une collaboration également entre les acteurs d'un même organisme ou entre divers organismes. Donc, globalement, d'essayer d'avoir un gouvernement ouvert autant pour l'interne que pour l'externe. Ils disent, et je cite, « Un gouvernement ouvert vise à rendre le gouvernement plus accessible aux citoyens en favorisant la transparence et la démocratisation de l'information, sorte qu'elle alimente le savoir et favorise une plus grande participation citoyenne. Le citoyen devient ainsi l'acteur central, contribuant activement à l'amélioration des services publics. » Alors ça, c'est l'idée la plus populaire. Il y en a d'autres aussi, notamment il y a des gens qui disent « Pourquoi le gouvernement ne mettrait pas en place une espèce de tableau de bord des grands chantiers informatiques? » Et il y en a d'autres qui vont dire « Pourquoi pas les grands chantiers tout court, tout acabit? » Parallèlement aussi, de généraliser l'interaction lors de dépôt de projets de loi, donc pour rendre plus facile facile peut-être le processus de consultation. Donc, pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur les décisions, les lois, les programmes, et le faire autrement peut-être que par sondage et par médias interposés. Donc, pouvoir avoir un organe direct de communication. Parallèlement, il propose aussi de pouvoir surveiller en temps direct, en temps réel, le temps d'attente dans les urgences d'un secteur, de créer un wiki à l'interne pour le gouvernement, de faire une carte interactive de l'état des structures routières en lien avec les dossiers dont on a parlé sur la fin du mois de juillet. Alors, c'est plusieurs idées comme ça qu'on a proposées. On a 52. Donc, c'est très intéressant et les gens peuvent aller au www.consultationgautrainweb2.gouv.qc.ca ou sinon mettre consultationweb2.0 gouvernement du Québec. Normalement, avec ça, vous devriez tomber sur le site en question. Et Raymond, en terminant, on a une petite minute pour parler du fondateur de Twitter qui va être à Québec. Oui, en fait, fondateur de Twitter qui va être reçu par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Alors, c'est une belle nouvelle. Lui va venir le 27 septembre prochain. Je vous tiendrai au courant. En fait, de toute façon, on va surveiller le site de la Chambre pour voir les tenants et les aboutissants de cette visite. Mais on annonce d'ores et déjà là, une conférence sur la façon de faire des affaires, une nouvelle façon qui serait peut-être plus altruiste où la technologie aide les gens à travailler ensemble pour améliorer le monde. Alors ça sera le 27 septembre. Et avant qu'on se laisse, Tania, j'aimerais aussi lancer des félicitations à un chercheur membre de l'Institut Technologie de l'Information et Société, Benoît Montreuil, qui a été nommé Rainmaker of the Year, faiseur de pluie de l'année par une revue américaine prisée dans le domaine du transport et de la logistique qui s'appelle DC Velocity. Monsieur Montreuil, qui travaille, lui, sur des projets liés à l'Internet physique. Internet physique est quelque chose qu'on pourra peut-être aborder en cours d'automne, mais essentiellement, là, si je résume en une phrase, c'est un concept qui a pour but d'exploiter la métaphore de l'Internet pour proposer une vision pour une solution novatrice et durable aux problèmes globaux liés à notre façon de transporter, de manufacturer, manutentionner, entreposer, réaliser, approvisionner, etc. etc. Alors, ben, des félicitations qui sont mises pour Benoît Montreuil. Bien, bravo à ton collègue de Létis. Je rappelle aux gens que tu es chargé de communication pour cet institut. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et si les gens veulent voir un peu ce qu'on fait, www.itis.ulaval.ca. Merci Raymond. On se retrouve la semaine prochaine.